Les souvenirs de Madame de Caylus demeurent une des sources les plus sûres pour connaître la première partie de la vie de Madame de Maintenon, même si en l'absence de manuscrits, une part de doute subsiste sur leur authenticité. À la suite de Louis Racine, de Voltaire, premier éditeur du texte en 1770, et de Sainte-Beuve, dans une causerie du lundi particulièrement fervente de 1850, nous admettons l'authenticité d'un texte qui dessine avec un talent extrême, nourri par l'affection, mais sans jamais céder au panégyrique, l'image d'une destinée d'exception qui aura marqué la mémoire nationale. Je cite la Bible. « C'est la grâce des grâces qu'une femme discrète, une âme qui se maîtrise, est un trésor sans prix », dit l'Ecclésiastique. La figure de Madame de Maintenon, sous la plume et au travers de la parole de sa nièce, Madame de Caylus, est comme aspirée par une austérité biblique, bienfaisante et silencieuse. Cette image triomphera en elle avec Saint-Cyr. Elle conserve cependant une large part d'enjouement séduisant, celui des débuts de la vie, celui que la nièce, née en 1673 et exilée durablement de Versailles dans les années 1690, conserve dans sa mémoire et qu'elle tente au long de son ouvrage de restituer fidèlement. Dictant à la fin de sa vie en 1728, nous dit Louis Racine, ses souvenirs à son fils, le comte de Caylus, elle nous livre un bel exemple de remémoration affective, s'efforçant de faire revivre dans son caractère insaisissable la saveur d'une présence, le charme conquérant, quoique soigneusement voilé, d'une femme qui se présente à ses contemporains et aux lecteurs tout en se cachant. Ce faisant, la narratrice rejoint une esthétique en vogue dans les années de jeunesse de Madame de Maintenon, celle de la beauté aimable, piquante, qui préfère la grâce à la régularité académique, cherche à plaire plutôt qu'à se faire admirer, opte pour le sourire mystérieux de la litote. C'est l'esthétique que l'on trouve typiquement chez La Fontaine, La Rochefoucauld ou encore Madame de Lafayette. Et où naguère Thomas Pavel, dans L'art de l'éloignement, voyait, je cite, une poétique de l'éclat discret, comme de la précision mentale, lorsque l'économie de mots associée au refus des détails concrets exprime avec relief et intensité des figures humaines ou des sentiments en quelque sorte stylisés, visés dans leur essence. Le rayonnement discret mais fascinant de Madame de Maintenon, son charme étrange venu d'un autre monde, celui d'un être qui ne rêve que de fuir la cour, tout en ne la quittant jamais en réalité, entre pour une large part dans la réussite de ce récit. L'esthétique générale du livre et les procédés narratifs de Madame de Caylus méritent ici d'être analysés à la source de cet éclat discret, tout comme la construction progressive de la figure de Madame de Maintenon, grandie par la mémoire de Madame de Caylus, dans sa complexité nimbée d'ambiguïté, dans son inépuisable bienfaisance, sa royauté intellectuelle et morale couronnée de discrétion. Un bon point de départ de l'analyse serait de comparer les souvenirs avec un autre texte de projet voisin paru lors de la Régence, qui obtint un grand succès et que Madame de Caylus, sans qu'on puisse le prouver, avait peut-être lu, je veux dire, les Mémoires de Madame de Motteville, éditées en 1723. La confidente d'une grande reine, veuve du roi Louis XIII, y entreprend de rédiger les mémoires de celle-ci tout au long d'une période troublée de l'histoire, la Fronde, au cours d'un récit qui sera à la fois plaidoyer en sa faveur et méditation sur la grandeur et le tragique des souverains. Sur elle-même, Madame de Motteville observe l'ascèse d'un quasi-silence, non sans s'autoriser à l'occasion des jugements lucides à propos d'Anne d'Autriche, dont elle montre les petitesses envers d'une réelle grandeur morale. Et le destin royal, dans un climat désenchanté, nourrit chez la mémorialiste une constante méditation sur soi, de nature chrétienne, qui s'achève sur la longue cérémonie de la mort de la reine en 1666. Tout entier chronologique, le vaste texte de Madame de Motteville prend appui sur des notes prises par elle tout au long d'une vie et entend par avance corriger les malveillances éventuelles des historiens futurs d'Anne d'Autriche. Le projet de Madame de Caylus, pour revenir à lui, s'avère tout autre que celui de la confidente de la reine. Et d'abord, il s'intitule « Souvenir », gage d'une esthétique très neuve, promise à un bel avenir, et que la narratrice, on a insuffisamment souligné ici sa puissance d'invention, va finement exploiter. Il va s'agir en effet d'un récit à la fois familier et rapide, sans rien en lui qui pèse ou qui pose, moulé sur le déroulement spontané d'une mémoire et rédigé, à l'exception de quelques fragments de lettres de la marquise insérés dans le texte, en l'absence de toute consultation d'archives. On est loin de la fresque puissante et moralisatrice de Madame de Motteville, patiemment rédigée et, quant à son ton, apparenté à celui d'un bossuet. Sur le mode de la conversation, la tradition évoque, nous le savons, des souvenirs dictés. La narratrice dévie ses souvenirs selon une logique du simple plaisir de la mémoire. Je cite « J'écris des souvenirs sans ordre, sans exactitude et sans autre prétention que celle d'amuser mes amis. » Toujours portée par une reconnaissance mêlée d'admiration envers Madame de Maintenon, à l'exclusion de tout élargissement historique. Demeure, comme chez Madame de Motteville, une intention d'apologie discrète mais perceptible face à la légende noire qui entoura Madame de Maintenon dès son vivant. Nous allons en entendre parler bientôt. D'elle-même, la narratrice ne parle que de façon tardive et marginale dans le texte pour souligner les effets d'une générosité sur elle-même. Des souvenirs donc qui gardent la fraîcheur de l'improvisation, soumis sans nulle concertation à la mémoire affective, rien de tâché, dit Sainte-Beuve au sens de tâche. Des souvenirs que vient seulement ordonner une succession temporelle très lâche, avec bien des retours en arrière, des caprices ou des enchevêtrements du récit, dans un désordre léger, souligné par la narratrice elle-même, et qui sonne comme un gage de sincérité. De là le charme d'un texte discontinu, succession de courtes unités narratives, reliées entre elles par une logique affective, avec ça et là quelques scènes plus longues. La mémoire libérée de tout souci d'exhaustivité est pure, décante, ne retenant que l'essentiel, tout en se gardant bien de souligner indiscrètement le sens de ses souvenirs. Ce rythme si particulier, succession rapide de souvenirs distincts, impose l'idée d'une variété secrètement ordonnée. Au lecteur de poursuivre et d'achever la tâche implicite d'interprétation. Je cite « Il y a de l'habileté à n'épuiser pas les sujets qu'on traite et à laisser toujours aux autres quelque chose à penser et à dire », écrit La Rochefoucauld dans sa réflexion de la conversation, qui pourrait servir de clé d'interprétation aux souvenirs dans leur ensemble, récit offert à chaque page à notre liberté de jugement de lecteur. Au fil du texte, des scènes plus longues, où Madame de Maintenon n'est plus toujours présente, sur le mariage de Monseigneur avec la dauphine de Bavière, sur les mésententes entre les princesses légitimées, sur le futur régent, tout cela semble orienter le récit vers la chronique de cour. En réalité, il n'en est rien. L'ensemble du texte dit la supériorité morale d'une figure unique, puis avec le temps, notamment à la cour, dans l'ordre éducatif, les effets cruels de son absence. La cour semble attendre son institutrice. Les souvenirs inaugurent un genre, celui de récit irrigué par la seule mémoire du narrateur, en une coulée heureuse et sans nulle contention d'esprit, et dans un esprit de partage joyeux avec le lecteur, comme on en trouvera plus tard avec des nuances, sous la plume d'Élisabeth Vigée-Lebrun ou de Madame de Boigne. Comment à présent entrer dans le détail de cet éclat discret ? On entre dans une impression de lecture qui tient de l'impalpable tout en demeurant perceptible. Madame de Quélus, à l'école de la conversation, refuse les effets trop voyants. Tout réside sous sa plume dans la pratique de l'atténuation, du sourire à peine esquissé et indulgent, et dans l'appel chez le lecteur cultivé à une connivence lucide avec une narratrice qui ne juge guère, même si elle dit clairement ses convictions. Jamais une fraîcheur pareille, jamais tant de grâce ni plus d'esprit, jamais tant de gaieté et d'amusement, jamais de créature plus séduisante. Se souvient Saint-Simon à propos de Madame de Quélus. Gaieté, dans la largeur de son sens, est un terme clé qui va de l'ironie partout répandue dans la conversation de cour. Je cite « Ma tante, on se moque de tout ici », remarque la duchesse de Bourgogne à son arrivée devant Madame de Maintenon en 1697. Depuis l'ironie jusqu'à un certain charme, à cet air agréable dont parle La Fontaine dans la préface des Fables, qui, sans susciter le rire, donne du sel, tient l'esprit en éveil. C'est ainsi que la narratrice a fréquemment recours au petit genre de l'anecdote, qui capte l'attention par une rupture narrative initiale et, dans sa brièveté, s'achève par l'irruption d'une parole vive, empruntée à autrui et d'autant plus frappante. Les souvenirs sont recueils de mots, de paroles, souvent rassemblée par une mémoire artiste, et où la spirituelle Madame de Montespan obtient la meilleure part. Ainsi, à l'annonce d'un incident survenu au carrosse de la reine, transpercé par la pluie, « Ah, si nous l'avions su, nous aurions crié « La reine boit !» s'exclame sa rivale. La marquise est bien l'auteur de ses traits d'esprit, parfois aussi elle en est l'objet. Ainsi, à propos du caractère de la duchesse d'Orléans, d'abord mademoiselle de Blois, future épouse du régent, née peu après de fragiles résolutions vertueuses de Madame de Montespan et du roi, à l'occasion d'un jubilé en 1677, je cite, c'est Madame de Caylus qui dit, « Il me semble qu'on voit encore dans le caractère, dans la physionomie et dans toute la personne de Madame la Duchesse d'Orléans des traces de ce combat de l'amour et du jubilé », ajoute-t-elle avec humour. Ou encore, elle évoque ces scènes de virtuosité mondaine où la même marquise de Montespan et celle qui n'est encore que la gouvernante de ses enfants affectent en public la plus parfaite entente, alors qu'en réalité, leur rivalité est inexpiable. Je cite, « Qui les aurait vues sans être au fait des intrigues de la cour aurait cru qu'elles étaient les meilleures amies du monde », écrit Madame de Caylus, lectrice de Madame de Lafayette ou encore de La Bruyère ou encore du Misanthrope. Mais Madame de Caylus est une célimène malicieuse, plus que méchante, et qui ressemble au personnage de la sincère Eliante dans la même pièce. Son récit, loin de la régularité austère de Madame de Motteville, est tout parsemé de ses accents d'intensité, scènes ou mots, qui jouent sur la surprise du lecteur et renvoient à une anthologie implicite de la conversation mondaine. Il faudrait aussi remarquer la présence de ces petits genres littéraires, épigrammes, portraits ou ébauches de portraits, nous ne quittons pas le misanthrope, ou encore portraits parallèles que la narratrice insère librement dans son récit, écho de pratiques conversantes usuelles. On rencontre même de rapides galeries de portraits, ainsi celle des six filles d'honneur de la dauphine de Bavière lors de son mariage en 1680. Mais chacun de ces portraits peut s'élargir en anecdotes, bons mots ou épigrammes. La narratrice insère également des fragments de lettres de sa tante, usage courant dans les mémoires du temps, qui font surgir la parole vivante lointaine de celle-ci, nous ouvre de façon saisissante sur son intimité, crée des effets de décalage de voix. Madame de Caylus nous introduit en somme dans un dialogue plaisant avec sa mémoire et sa culture, dans une œuvre de goût. Une attestation secrète et anticipée de pareil goût est à trouver dans le choix qu'effectue Racine, aux exigences redoutables, nous le savons, attribuant à la future Madame de Caylus le rôle de la piété dans le prologue d'Esther. On peut y voir une lointaine onction poétique offerte à une jeune fille qui savait dire et qui saura écrire. L'éclat discret renvoie sous sa plume à un effet de scintillement, mais toujours en mode mineur, on risquera l'oxymore, à une complicité d'intelligence, aux innombrables traits qui parsèment ce texte de souvenirs et à la perception de leur détachabilité, le tout faisant peut-être écho à la conversation de Madame de Maintenon elle-même. Au travers de pareilles esthétiques narratives, quelle image Madame de Caylus entend-elle nous donner de Madame de Maintenon, de sa vie et de son action, du roi, de la cour, de toute la société de son temps? Les souvenirs, œuvres brèves et d'apparence peu concertées, sont avant tout nourris de reconnaissance envers la bienfaitrice, d'une reconnaissance mûrie par le temps et qui a surmonté des épreuves durables. Un exil de 13 ans après 1694, le mariage malheureux avec le comte de Caylus, un ivrogne invétéré, mariage arrangé par Madame de Maintenon. D'allure prime sautière, ces souvenirs sont écrits par une femme au soir de sa vie, totalement réconciliée avec celle qu'il a introduite à la cour. Et Madame de Maintenon, de son côté, nous dit Saint-Simon, aimait Madame de Caylus à ne pouvoir se passer d'elle. Une femme qui rédige une dizaine d'années après la mort de sa bienfaitrice, une sorte de tombeau littéraire, nourri d'une méditation prolongée sur un destin, procédant avec distance critique à l'occasion, à une sorte de greffe de mémoire de sa tante sur la sienne. Madame de Caylus a en effet tant de fois entendu sa tante lui conter sa vie, tant lu ses lettres aussi, aucune de ces deux sources n'étant pour autant miroir de vérité, qu'elle finit souvent par adopter à distance son point de vue reconstitué, créant ainsi dans le récit une sorte de double registre, le regard de la narratrice adoptant envers la cour la distance critique présumée de sa tante. Sans doute, Le témoignage de Saint-Simon est clair sur ce point. Madame de Caylus était-elle plus joyeusement immergée dans la vie de cour que Madame de Maintenon, notamment avec Madame la Duchesse, fille de Madame de Montespan, au point que ce fut l'origine d'une brouille entre la nièce et la tante. Avec le recul des années, la relation entre les deux femmes s'est comme cicatrisée. Et la narration des souvenirs s'oriente dès le début vers la singularité irréductible d'un destin, marqué discrètement par une ascendance héroïque. Madame de Caylus fait ainsi allusion à la rude probité, je cite, d'Agrippa d'Aubigné, le grand-père de Madame de Maintenon, qui, je cite, le rendait peu propre auprès des grands, citation vraisemblable de sa vie à ses enfants, cette autobiographie de la troisième personne d'Agrippa d'Aubigné, qui n'était pas encore publiée, qui le sera en 1729. Bon sang ne saurait mentir. Cette vie de Madame de Maintenon, qui passe pour le chef-d'œuvre absolu de l'ambition féminine au XVIIe siècle, débute et se déroulera constamment sous le signe d'une hautaine et intransigeante simplicité. Mais de façon paradoxale, celle-ci ne fait que redoubler le charme de l'intéressé, également désiré partout. La jeune épouse de Scarron apparaît comme une figure de la beauté insaisissable qui plaît par son mystère, la simplicité de sa mise, son intrigante pauvreté, la finesse éblouissante de ses réparties en société. On songe à la puissance de séduction de la bergère Psyché dans le roman de La Fontaine de 1669, si supérieure à la beauté de Vénus et qui va déchaîner un jour sa fureur jalouse. Tout chez elle sera toujours réserve, modestie, grâce voilée, rehaussée par l'esprit et qui rejette toute ambition. C'est ainsi qu'ayant à rendre visite à M. Fouquet, connu pour son faible pour les femmes, je cite, elle affecta d'y aller dans une si grande négligence que ses amis étaient honteux de l'y mener. Mais on peut se poser la question, n'y aurait-il pas là ambition plus fine, jouant sur l'émotion bien connue du ministre ? Le personnage, comme Psyché, gardera toujours son secret. De même, le refus de la charge de dame d'honneur auprès de la princesse de Nemours, nouvelle reine de Portugal, du Portugal en 1666, tremplin pourtant pour une carrière mondaine, ce refus est à la fois approuvé, mais peut-être sujet à caution. Est-ce que ce poste n'était pas une impasse lointaine pour qui veut faire carrière ? En réalité, je cite, Madame de Maintenon craignait les intrigues par la droiture de son cœur et était faite pour les délices de la société par les délices de son esprit. Tout se passe comme si cette jeune femme vive d'esprit au possible et héritière de la liberté farouche de son grand-père, marquée en outre dans sa jeunesse par l'expérience de la pauvreté, percevait la vanité irrémédiable du monde de la cour et n'entrait dans celui-ci qu'en étrangère, convaincue d'une mission de bien commun qui l'investit peu à peu. C'est le souci des enfants royaux, souci de nature maternelle et dynastique, qui va l'amener à approcher le roi, et que la narratrice, qui n'était pas née à l'époque, rapporte de façon neutre, sans nullement envisager chez sa tante un esprit d'ambition. C'est au nom du service du roi qu'elle accepte d'élever ses enfants en secret à partir de 1669 et au prix de lourdes contraintes, en particulier d'une cessation de toute vie sociale, d'une entrée dans une vie cachée qui, avec des nuances, ne cessera plus jamais et lui deviendra consubstantielle. La gouvernante va en somme jouer le rôle de véritable mère des enfants illégitimes avant d'épouser le père. Madame de Caylus souligne, nous entrons ici au cœur des souvenirs, dans leur partie la plus détaillée, la plus ambiguë peut-être, le caractère involontaire de la séduction progressive du roi par la gouvernante. Et pour ce faire, elle revient longuement sur la vie sentimentale mouvementée du souverain, l'insatisfaction profonde qui est la sienne en dépit des apparences et de ses multiples liaisons. Tout se passe comme s'il y avait chez lui une attente longue et inconsciente d'une femme en affinité profonde, enfin, avec lui, et que l'arrivée de la gouvernante venait combler. Au-delà des apparences et de ces égoïsmes, des égoïsmes du roi, que de déceptions en réalité chez lui. Le point de vue ici est original, le point de vue de Madame de Caylus. De la reine Marie-Thérèse, Madame de Caylus parle avec sympathie, évoquant sa naïveté incurable, sa longue souffrance face à un monarque dont elle ne peut retenir l'affection, et qui jusqu'à sa mort ne cesse en réalité de la terroriser. Entrant un jour dans le cabinet du roi avec Madame de Maintenon, Celle-ci remarque, détail saisissant, que les mains de la reine tremblaient de peur. De Madame de Lavallière, bien connue lorsqu'elle était déjà carmélite, la mémorialiste souligne la noblesse morale et la dévotion, comme le manque d'esprit et l'inaptitude profonde à la vie de cour en réalité, et le peu de défense qu'elle opposait aux cruautés de Madame de Montespan, rivale triomphante. Je cite, « Je me souviendrai de ce que ces gens-là m'ont fait souffrir », avouait-elle à Madame de Maintenon. Et la mémorialiste se souvient encore du son de sa voix qui allait jusqu'au cœur lorsqu'elle lui a rendu visite au Carmel de la rue Saint-Jacques. À côté de ces deux visions souffrantes, surgit la figure centrale de Madame de Montespan, éclatante d'esprit et d'ambition. Son affrontement progressif avec la discrète gouvernante va être au centre du texte et connaître la conclusion que l'on sait, très profondément logique, pour qui est au courant des dispositions du roi, son attente secrète, finement analysée. La narratrice ne connaît certes que la version des faits transmise par sa tante et ne saurait être impartiale. Elle a cependant le souci d'un jugement équilibré sur Madame de Montespan, insiste sur sa grandeur d'âme, son élévation d'esprit, et lui accorde, au vu du caractère de son mari, bien des circonstances atténuantes. D'une manière générale, elle évite les jugements tranchés. Là est la richesse de ce texte. Il est bien clair cependant que Madame de Maintenon, en rien inférieure à la marquise, par le goût et par l'esprit, la dépasse infiniment par le désintéressement, le dévouement à la personne royale traduite en actes, et le dévouement au bien commun. La volonté répétée au début de quitter la cour, vite démentie, mais volonté souvent exprimée, et qui est peut-être un procédé de séduction. Je cite. Elle a fait connaître au roi un pays nouveau qui lui était inconnu, qui est le commerce de l'amitié et de la conversation, sans contrainte et sans chicane. Il en paraît charmé, écrit Madame de Sévigné en 1680. Pour y parvenir, Madame de Maintenon organise une stratégie de séduction sans que la nièce en précise autrement les détails qui appartiennent au secret d'une conscience. Elle affronte directement sa rivale, Madame de Montespan, avec courage et virtuosité de langage, de même qu'elle plaide sa cause contre Madame de Montespan auprès du roi. À la mort de la reine, elle réunit autour de sa personne et fait connaître au roi de multiples témoignages d'amitié et d'estime à son propre sujet, émanant de personnes de dames respectables qui seront plus tard proches de Fénelon. La période présumée du mariage, en octobre 1683, jamais reconnue explicitement dans le texte, est reconstituée avec délicatesse par la mémoire de la nièce, âgée de 12 ans à l'époque, qui note l'extrême nervosité de la tante dans les jours qui précèdent, ses larmes, ses promenades mystérieuses dans la forêt de Fontainebleau, puis son calme soudain. Le texte procède par allusion et respecte une émotion compréhensible sans vouloir aller plus avant. Dans l'ensemble, les souvenirs insistent sur la rectitude morale qui a présidé à une ascension personnelle hors du commun, baignée de romanesque et lestée d'une cohérence psychologique profonde. L'obscure gouvernante, telle Esther face à Assuérus chez Racine, aura su apprivoiser un souverain guetté en profondeur par la lassitude, le révéler à lui-même au moment opportun dans sa soif d'échanges paisibles et d'une parole libre des jeux cruels de la cour. Tout un portrait de Louis XIV, par petites touches, vient justifier pareille rencontre et montrer en quelque sorte le rayonnement éducatif de son épouse secrète. Un homme au-delà de ses passions, nanti d'un grand fond de bienveillance, un souverain sage et informé, à la parole lente, réfléchie et juste. En arrière-plan constant de cette union si riche de sens, Madame de Caylus consacre de longues pages à l'évocation de la cour, de ses plus hautes figures, des princes et princesses de la famille royale, souvent décrits dans leur amour-propre insondable, leur faiblesse profonde face à la faveur. Au fond, la narratrice, tout comme l'héroïne du récit, est dans pareil monde une personne déplacée, et d'autant plus libre envers cet univers sans repère et en vase clos, qui vit dans la myopie collective. C'est Madame de Thianges, sœur de Madame de Montespan, et sa folie d'orgueil nobiliaire. C'est Mademoiselle et son incompréhensible faiblesse envers Lauzun, autre fou. C'est Madame de Soubise et sa fureur d'argent. Ce sont les filles illégitimes du roi en guerre permanente entre elles. Ni les Condé ni les Orléans ne sont épargnés dans cette ménagerie infâme. Seul surnage au milieu de cette perversion dorée, à laquelle Madame de Caylus, il est vrai, s'est un temps laissé séduire, le duc du Maine, à l'éducation duquel avait présidé Madame de Maintenon. Les souvenirs se rapprochent ici, sur un mode plus souriant, de la princesse de Clèves, dans leur description d'un univers à la fois magnifique et corrompu, qui met en valeur, par contraste, la figure centrale, foyer de désintéressement et d'éducation. D'où la signification éminente des pages qui suivent immédiatement la relation du mariage consacrée à Saint-Cyr et à la tragédie d'Esther, dans le sillage de la description du programme éducatif imposé à la nièce par sa tante à son arrivée à la cour en 1680, je rappelle, lecture et apprentissage de poésie, pratique assidue de la lettre, exercice de ce qu'on appellerait la reformulation, et que Madame Caylus va au sermon, elle doit faire un compte-rendu du sermon, formation du jugement moral dans le cadre d'un dialogue journalier. Dans son entreprise éducative à l'intention des jeunes filles pauvres de l'aristocratie, Madame de Maintenon souhaite tout particulièrement, à la manière entre autres des jésuites, utiliser le théâtre et ses vertus éducatives globales, peut-être en lectrice lointaine, évidemment secrète, du roman comique dont on parlait hier, qui contient un magnifique éloge des bienfaits du théâtre pour une société. Assurément, par une volonté de parachever une éducation par la pratique d'un genre royal, la tragédie. L'œuvre de Racine va revêtir un sens multiple, transposant littérairement, mais pour les seuls initiés, au travers du personnage d'Esther, le triomphe sentimental de Madame de Maintenon, laissant en outre entrevoir, loin de la violence de cour, une humanité éduquée et transfigurée par l'art. La très jeune Madame de Caylus, disant à la perfection le prologue de la piété qui ouvre la tragédie, en apparaît comme la fine fleur. Concluons. Les souvenirs de Madame de Caylus, texte inachevé, peut-être tronqué, inaugurent dans la littérature de mémoire une tradition mondaine, féconde, celle de récits centrés sur un passé personnel retrouvé sans effort dans le dévidement heureux de séquences autonomes qui autorisent des tons et des procédés variés et permettent aussi des jaillissements de mémoire saisissants, de multiples petits faits vrais retrouvés. La mémorialiste, sans le dire, y joue avec sa culture et nous introduit entière. Dans un texte fourmillant, en dépit de sa brièveté, elle fait revivre les grandes ombres qui peuplent sa mémoire, une surtout. Les dessine avec délicatesse en accusant les contrastes, crayonnant aussi un arrière-plan de cour qui donne sens à l'ensemble. Madame de Maintenon y passe d'une apparence à une autre, d'un personnage d'abord au charme mystérieux, toute de modestie et d'esprit, d'une puissance de séduction en clair-obscur, qui dépasse sa volonté propre et la prédispose à un grand destin. Ce personnage devient ensuite autre, rejoignant en gardant la même grâce l'image séculaire de la femme forte qui s'impose de façon irrésistible par ses qualités morales et intellectuelles et acquiert une dimension fondatrice à l'échelle du royaume entier. Madame de Caylus, dans ce texte d'affection et de respect, n'a garde d'aller trop avant dans le mystère d'une conscience, d'enquêter ou de juger. Elle ménage avec humour ou malice la liberté de jugement du lecteur, imprégnant son récit entier, ferme sur le fond, d'une ironie légère, nourrie d'intelligence et d'indulgence, sans doute par là à l'école de sa bienfaitrice. Je vous remercie.